Les ecclésiastiques sont nombreux dans les mémoires de Saint-Simon, hein, on n'est pas très loin de la centaine, et la piété du mémorialiste le rend, semble-t-il, attentif à ces personnages qui ont une position particulière dans la société. Appartenant souvent aux plus grandes familles de la noblesse, ils sont hommes du monde, parfois mondains, voire trop mondains, mais en tant que prélats, ils sont hommes d'église et parfois hommes de Dieu, touchant à la sainteté. Montant en chair pour la prédication, ils se doivent donc d'être éloquents pour être les dignes propagateurs de la parole divine. Cette double nature du prélat est constamment rappelée dans les différents portraits. Ainsi, Fénelon, que Saint-Simon n'apprécie pourtant guère, a une physionomie qui sentait également le docteur, l'évêque et le grand seigneur, c'est-à-dire qu'il apparaît comme une heureuse conjugaison d'un savoir, d'un faire et d'un être. Et les bons prélats sont relativement nombreux, quoi qu'on puisse en penser. On peut penser à Brias, le premier archevêque de Cambrai, qui est à la fois un bon gentilhomme flamand, un vrai pasteur, un grand aumônier, de bonne compagnie, est un véritable apôtre. Ou bien Barillon, évêque de Luçon, un saint et savant évêque. Le monsieur de Troyes était en science, en vertu, en piété, en conduite de diocèse et personnellement le premier prélat de l'Église de France. Et enfin, on peut penser au plus bel éloge sans doute des mémoires, ou du moins la formulation la plus élégante, qui concerne le cardinal de Noailles. Jamais grand seigneur ni cardinal qui, sans sortir d'aucune bienséance, fut moins l'un et l'autre, et jamais ecclésiastique, plus prêtre ni plus évêque qu'il le fut toujours. Et on pourrait enchaîner ainsi les portraits de prélats qui sont vus de manière positive. Le point commun de ces portraits, c'est qu'à de très rares exceptions, ce sont des portraits silencieux. On n'a jamais en fait le discours que tiennent ces personnages. Et de ce trait-là, on peut faire un parallèle avec ce que les théories du sociologue Erving Goffman, le sociologue américain, sur les rites d'interaction, qui s'intéresse au concept de face et de figuration. Alors, il définit en fait la face comme la valeur sociale positive qu'une personne revendique effectivement à travers la ligne d'action, la ligne d'action étant le canevas d'actes verbaux et non-verbaux que les autres supposent qu'elle a adopté. Ainsi, dans la mesure où ces prélats font « bonne figure », entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils agissent conformément au rôle social qui est le leur, tant sur le plan intime, puisqu'ils présentent de la foi, de la piété, que sur le plan du monde, par la dignité, qu'Erving Goffman conçoit comme le maintien d'un certain ordre expressif quant au corps, aux émotions et aux objets. En clair, ce sont des prélats qui se tiennent bien, et la bonne tenue passe par la retenue, et évidemment la retenue de la langue. Donc, si Saint-Simon n'éprouve pas le besoin de faire parler ces saints prélats, c'est que dans la mesure où leur parole est conforme, elle n'est donc pas remarquable et donc non marquée. En revanche, la reconnaissance de cette bonne tenue est la déférence du mémorialiste qui se traduit dans le style par des portraits qui présentent un fort emploi de termes superlatifs ou d'accumulation d'adjectifs mélioratifs. Alors, il faut faire ici, en parlant des saints, un sort à Rancer, puisque d'une certaine manière, c'est le saint des saints. Il signale à plusieurs reprises qu'il a des entretiens avec le réformateur de la Trappe, mais ils sont toujours résumés à travers un discours narrativisé. Dans l'affaire du père Gervaise, Saint-Simon s'érige en porte-parole de Rancer, qui lui s'enferme, lui, dans un martyr silencieux. Et à chaque fois, en fait, qu'il tente de faire sortir Rancer de son silence, le saint, lui, est incapable de mauvaises paroles, il continue à se taire. La seule fois où Saint-Simon tente de rapporter une parole de Rancer, il est assez intéressant de voir qu'il fait un lapsus, qui est corrigé d'ailleurs dans les mémoires en ligne, mais qui existe, qui est maintenu en tant que tel par Coirot et signalé. Le bon mot qui est attribué à Rancer est le suivant. « Il me récrivit que j'ignorais pas qu'un empereur romain disait qu'il aimait la trahison, mais qu'il aimait les traîtres, et c'est là qu'est le lapsus, que pour lui il pensait tout autrement qu'il aimait le traître, mais qu'il ne pouvait que haïr la trahison. » Hein. On voit ici que la parole qui trahit 32 fois la face au sens goffmanien du terme ne provoque finalement aucune épiphanie du moi intime de Rancer, dont le sublime reste définitivement indicible. Saint-Simon doit donc se contenter d'attraper le visage, hein, et de faire passer à la postérité le portrait d'un homme si grand, si accompli, si célèbre. Or, qu'en est-il du fragile équilibre entre le savoir, le faire et l'être quand le diable s'en mêle, lui qui divise tout ? quand l'homme d'Église cède à l'appel du siècle ou quand l'homme de foi se fanatise. Bien souvent, quitter le droit chemin pour Saint-Simon équivaut à mal dire. La parole qui s'échappe se transforme alors en péché de langue, et nous allons donc voir quel traitement le mémorialiste leur réserve. Alors, en ce qui concerne les paroles qui sont en fait des péchés contre le savoir, on peut dire « heureux les simples d'esprit, car l'indulgence de Saint-Simon est à eux ». Du moins sous certaines conditions, la première étant d'être considéré comme un proche. Ainsi, l'évêque de Senlis, qui est frère de Chamillard, est le meilleur et le plus imbécile des hommes, dont le visage et le maintien ne le témoignaient guère moins que le discours. Alors, en plus d'être le frère du ministre, qui est donc l'ami de Saint-Simon, il a au moins l'avantage de ne pas avoir l'orgueil ni l'impertinence si ordinaire aux enfants, aux proches des ministres, donc un autre bon point. Saint-Simon dit de lui qu'il était ravissant sur Monsieur le Prince, qui lui faisait mille bassesses, qu'il prenait toutes pour lui. Et pendant la faveur, ses nièces et tous qui le voyaient en familiarité se moquaient de lui grossièrement, et il le comprenait si peu qu'il en riait le premier. Donc vraiment quelqu'un de bonne patte. Son frère même s'en divertissait quelquefois. Avec tout cela, tout le monde l'aimait tant qu'il était bon homme. Il ne savait rien, mais des mœurs excellentes. Peut-être avait-il conservé son innocence baptismale. C'était un homme à mettre bien richement amendé ou à hoche, mais à l'y confiner pour qu'on n'y vit jamais. Même chose pour le neveu du cardinal de Jansson. Le roi veut lui donner l'archevêché d'Arles. Le cardinal de Jansson s'y oppose, lui disant qu'il connaissait son neveu, que c'était un petit génie, fort homme de bien, mais à qui il ne voudrait pas confier une place de vicaire de village et absolument incapable de l'épiscopat, que si le roi voulait lui faire du bien, il lui serait très obligé et très aise s'il voulait lui donner une abbaye de 18 ou 20 000 livres de rente, que ce serait de quoi vivre et prier Dieu en repos. Ainsi, aux ignorants les mains pleines. Le manque de capacité intellectuelle des ecclésiastiques est un péché véniel, tant qu'il apparaît comme un manque inné, qu'il est compensé par un bien-faire et un bon fond. Dans le meilleur des cas, cette sainte ignorance produit des bourdes qui sont autant d'anecdotes plaisantes, comme quand le cardinal de Coislin se fait un peu coller par le roi à la sortie d'une messe qui lui demande ce que signifie « nicti coras ». In domicilio, qu'il a entendu dans un psaume. Le roi qui avait ouï chanter le psaume où est ce passage et dont le mot un peu barbare l'avait frappé, ne savait point de latin et en demanda l'explication à Monsieur d'Orléans à son dîner. Il rêvait un peu, puis dit que c'était le nom propre d'un roi d'Israël qui vivait fort en solitude. Chacun baissa les yeux et se contint. Tant la vertu a quelquefois de force, mais on ne laissa pas d'en rire et le roi n'en sut pas davantage. De même, Nesmond, l'évêque de Bayeux, qui est aussi doyen de l'épiscopat en France, c'était de ces vrais saints qui attirent malgré eux une vénération qu'on ne peut leur refuser et dont la simplicité donne à tous les moments à rire. Aussi disait-on de lui qu'il disait la messe tous les matins et qu'il ne savait plus après ce qu'il disait du reste de la journée. L'innocence parfaite de ses mœurs, jointe à un esprit très borné, lui laissait échapper des ordures à tout propos dont il n'avait pas le moindre soupçon et qui rendait sa compagnie embarrassante aux femmes, jusque la présidente Lamoyon, sa nièce, renvoyait sa fille quand ils doivent être en présence. Donc un évêque ne pas laisser auprès des jeunes demoiselles. Reprochant à un curé de sa paroisse d'être allé à une noce, il lui fait la réflexion suivante. « Voyez-vous, monsieur le curé, répliqua-t-il, ce n'est pas là ce qu'il fait de mieux, hein, en parlant de Jésus, aux noces de Cana. Le blasphème dans une, quel blasphème dans une autre bouche, ce bonhomme croyait fort bien répliquer d'une manière édifiante, et il est vrai aussi que de lui, on le prenait de même. » Donc, le véritable miracle se produit pour ces prélats-là, dans la mesure où, en dépit de leur sottise, ils ne perdent pas la face. Ils restent malgré eux des saints aux yeux du mémorialiste. En revanche, l'ignorance, quand elle est acquise et qu'elle est tournée en système, il n'y a guère d'indulgence possible. C'est le cas pour Daubigny, le faux cousin de Madame de Maintenon, qui est doué de toute la crasse, de la grossièreté, de toute l'ignorance et de toutes les minuties de Saint-Sulpice. C'est un butor, un buffle à décrasser, un grand et grand pied plat, lourd, bête, ignorant, esprit de travers, mais très homme de bien, saint prêtre pour desservir, non pas une cure, mais une chapelle. Donc, la bêtise est très souvent associée chez Saint-Simon à un lexique de l'impureté, de la saleté. Godet des Marais est une barbe sale de fond de séminaire, l'abbé de Le Pelletier, supérieur des séminaires de Saint-Sulpice, est un cafard. L'oratoire, qui n'est pas davantage en odeur de sainteté pour Saint-Simon, produit des oratoriens dont Pontchartrain se débarrasse comme d'une chemise sale. La métaphore culmine avec l'expression « excrément de séminaire » qui désigne Aubigny et Champflour. Et dans l'organisme malade qu'est l'Église, si le pape expector des cardinaux, Saint-Sulpice chie littéralement ses séminaristes. Saint-Simon n'aura donc jamais de mots assez durs pour condamner Saint-Sulpice. Et l'ignorance n'est plus angélique chez ces sulpiciens, dans la mesure où ils font de l'Église et de l'État les victimes des jésuites, c'est-à-dire qu'ils sont les complices imbéciles de toutes sortes de destructions, notamment en ce qui concerne les libertés gallicanes, qui ne peuvent être conservées que par la connaissance de la tradition ecclésiastique française. Alors, on a vu donc tout ce qui était péché d'ignorance, qui est condamné dans la mesure où c'est finalement le premier pas vers le crime et vers les attentats contre tout ce qui relève de l'être et du faire. Et dans ce cas-là, bienheureux les vicieux, car le cardinalat est à eux. Peu nombreux sont les hommes d'Église capables d'oublier d'où ils viennent et de renoncer à eux-mêmes. C'est le cas de l'archevêque de Sens, qui refuse le cordon de l'ordre parce que d'extraction trop modeste. Néanmoins, c'est une exception. Hein, la vanité domine. Pour l'abbé Lepelletier, qui terrorise ses séminaristes, il passe son temps à leur dire « Mais vous autres, à qui croyez-vous donc avoir affaire? Savez-vous que je suis le fils d'un ministre d'État et contrôleur général et frère d'un évêque et d'un président à Mortier ?» Et avec cela, il croyait avoir tout dit. La vanité des origines est d'autant plus méprisable quand il s'agit d'un personnage issu de la robe. Quand il s'agit de prélats issus de grandes familles, Saint-Simon est un peu plus indulgent. C'est le cas notamment de Monsieur de Noyon, qui fournit en fait un certain nombre de traits de vanité. Quand il présente son neveu et son confrère Monsieur de Lan, qui est pourtant de la même famille de lui, il regarde son neveu en disant « Monsieur qui en est ?» Il regarde Monsieur de Lan en disant « Monsieur qui s'en dit ?» Le pauvre Lan en demeura confondu sans répliquer un mot et la compagnie à rire. Le récit de sa réception à l'Académie française fait partie de ces grandes scènes comiques des mémoires. Le roi s'amusait de sa vanité qui lui faisait prendre tout pour distinction et les effets de cette vanité feraient un livre. Il vaqua une place à l'Académie française et le roi voulut qu'il en fût. Il ordonna même à Dangeau qui en était de s'en expliquer de sa part aux académiciens. Cela n'était jamais arrivé, monsieur de Noyon, qui se piquait de savoir, en fut comblé et ne vit pas que le roi se voulait divertir. Alors, l'abbé de Caumartin, qui est le directeur de l'Académie, connaissait la vanité et le style tout particulier à lui. Il compose donc un discours confus et imité au possible du style de M. de Noyon, qui ne fut qu'un tissu de louanges les plus outrées et de comparaisons emphatiques, dont le pompeux Galimatia fut une satire continuelle de la vanité du prélat, qui le tournait pleinement en ridicule. Effrayé de sa création, il la présente tout de même à sa future victime, qui lut et relut le discours, et il en fut charmé. Mais il ne laissa pas d'y faire quelques corrections pour le style et d'y ajouter quelques traits de sa propre louange. Donc, rassuré par cette forme-là, la réception a lieu. Le jour venu de la réception, le lieu fut plus que rempli de tout ce que la cour et la ville avaient de plus distingué. On s'y portait dans le désir d'en faire sa cour au roi et dans l'espérance de s'y divertir. Monsieur de Noyon parut avec une nombreuse suite, saluant et remarquant l'illustre et nombreuse compagnie, avec une satisfaction qu'il ne dissimula pas, et prononça sa harangue avec sa confiance ordinaire, dont la confusion et le langage remplirent l'attente de l'auditoire. L'abbé de Caumartin répondit d'un air modeste, d'un ton mesuré, et par de légères inflexions de voix aux endroits les plus ridicules ou les plus marqués au coin du prélat, aurait réveillé l'attention de tout ce qu'il écoutait, si la malignité publique avait pu être un moment distraite. Celle de l'abbé, toute brillante d'esprit et d'art, surpassa tout ce qu'on aurait pu attendre si on avait prévu l'hardiesse de son dessein, dont la surprise ajouta infiniment au plaisir qu'on y prit. L'applaudissement fut donc extrême et général, et chacun, comme de concert, enivrait M. de Noyon de plus en plus, en lui faisant accroire que son discours méritait tout par lui-même et que celui de l'abbé n'était goûté que parce qu'il l'avait su le louer dignement. Le prélat s'en retourna charmé de l'abbé et du public et ne conçut jamais la moindre défiance. Alors évidemment, dans ces cas-là, il y a toujours une âme charitable pour vous indiquer que vous vous trompez lourdement, si bien que Monsieur de Noyon va se plaindre au roi. Le roi, qui avait bien voulu se divertir un peu, mais qui voulait toujours partout un certain ordre et une certaine bienséance, avait déjà su ce qui s'était passé et l'avait trouvé fort mauvais. On voit donc ici que la vanité de M. de Noyon s'exprime, mais au-delà de ce qui est acceptable pour un ecclésiastique, dont on attend davantage hein, de la modestie ou de l'humilité. C'est à la fois un problème de morale et aussi une question de style, puisqu'un homme si rempli de lui-même a un style qui déborde et qui déborde de manière ridicule. Si bien qu'en fait, la déférence qui lui est due s'envole hein, et autorise Comartin à le tromper. La cérémonie va donc conserver les rituels extérieurs de la louange, mais tourne à la profanation dans la mesure où elle expose ce qu'il ne fallait pas montrer, à savoir le moi vaniteux de M. de Noyon, et lui fait perdre la face publiquement. Le scandale est sanctionné par le roi, dans la mesure où la farce de Comartin est aussi un attentat contre la hiérarchie, puisqu'il usurpe le droit du roi de se moquer de son prélat. Alors, certains manquent de respect à la dignité et à la fonction sont des péchés véniels. Ainsi, on peut penser par exemple aux bizarreries de l'électeur de Cologne qui fait une messe lors du 1er avril et qui ne trouve rien de mieux que de se prendre à crier « Poisson d'avril, poisson d'avril » avec musique et force trompette, timbale à lui répondre et de quitter la scène. Le commentaire de Saint-Simon est « Voilà des plaisanteries allemandes et de princes dont l'assistance qui Henri Fort ne laissa pas bien d'être étonnée. » Saint-Simon est également amateur des abbés à bons mots, qui, à défaut de bonnes paroles, cultivent le goût du bien dit, fût-il peu catholique. Toujours M. de Lens, qui attend d'être fait cardinal, ce chapeau traîna et l'inquiétait. L'abbé de la Victoire est invité dans une maison où il est attendu, et tout le monde lui demande pourquoi il est tant retardé. « Hélas, répondit l'abbé d'un ton pitoyable, d'où je viens. J'ai tout aujourd'hui accompagné le corps du pauvre monsieur de Lens. Comment, monsieur de Lens ? S'écria tout le monde. Monsieur de Lens est mort, il se portait bien hier, cela est pitoyable. Dites-nous donc, qu'est-il arrivé ? Il est arrivé, reprit l'abbé, toujours sur le même ton, qu'il m'est venu prendre pour faire des visites, que son corps a été toujours avec moi, et son esprit à Rome, que je ne fais que de le quitter et fort ennuyé. À ce récit, la douleur se changea en risée. » Alors, le bon mot ici ne manque pas de sel quand on sait que le dualisme fut une question théologique fortement débattue au XVIIe. Il semble que dans le cas de l'abbé de la Victoire, cela reste toujours problématique. Cependant, la parole des ecclésiastiques dévoile parfois des vices plus graves que la vanité ou une forme de légèreté et se trouve en contradiction avec leur rôle pastoral. C'est le cas de La Roquette, évêque d'Autun, qui présentant un buffet à l'archevêque de Reims, lui dit « Voyez là le bien des pauvres ». Et l'archevêque de lui répondre « Il me semble que vous auriez pu leur en épargner la façon ». Ici, la parole révèle une avarice sordide, un détournement de la fonction cléricale devenu trop clairement un moyen de s'enrichir sur le dos des ouailles et qui blesse bien évidemment le sentiment de charité. Dans le cas de Polignac, sa parole trahit l'ambition, l'envie de parvenir. C'est notamment l'anecdote sur, qui se produit à Marly. Avec tout son esprit, il lui échappa une flatterie dont la misère fut relevée et dont le mot est demeuré dans le souvenir et le mépris du courtisan. Il suivait le roi dans ses jardins de Marly, la pluie vint, le roi lui fit une honnêteté sur son habit peu propre à la parée. « Ce n'est rien, sire, dit-il, la pluie de Marly ne mouille point. » On en rit fort et ce mot lui fut fort reproché. Là encore, le prélat perd la face dans la mesure où cette pluie qui ne mouille point célèbre le miracle de la faveur. C'est donc une foi toute profane en la grâce du roi que l'abbé de Polignac professe. Saint-Simon est le peintre de la misère de ces hommes de Dieu sans Dieu, en particulier le cardinal Le Bouillon, hein, qui s'avise de se faire peindre avec son cordon de l'ordre alors qu'il est en exil. Et il s'attire cette remarque du mémorialiste « Avec cette délicatesse de conscience, ou plutôt avec cette misère de petit enfant, que faisait-il donc de la croix brodée? La portait-il aussi sur sa veste et par-dessous? Cette platitude et tout son discours acheva de le faire tomber dans l'esprit de ceux qui en furent témoins et qui l'apprirent. Hein ?» Les pasteurs sont donc parfois les premiers pécheurs, d'où la sévérité de certaines remarques du mémorialiste, voire le manque de respect pour ceux qui apparaissent comme de véritables déchus. Saint Omer est un franc galopin, Tressan, évêque du Mans, un drôle de beaucoup d'esprit. Quant à la parisière, c'est un escroc. Toutefois, ces mauvais prélats ne pêchent que contre eux-mêmes et leur salut. plus dangereux sont ceux qui, par ambition, cherchent à détruire l'Église. C'est le cas de Languet, qui a été évoqué ce matin par M. Hersant, dont le portrait laisse croire que ce n'est qu'un énième prélat vaniteux, hein, notamment quand il accuse Mailly de lui avoir volé son chapeau. Néanmoins, la question rhétorique qui suit, et que, donc, que pose le mémorialiste, le montre en créature vendue à la Constitution, hein, homme de rien qui veut mettre l'Église à feu et à sang pour un chapeau. L'ambition et en particulier le désir du cardinalat est en effet le cancer de l'Église de France, en particulier parce qu'elle menace les libertés gallicanes et finit par ôter toute idée du bien et du mal chez ceux qui sont, comme Bentivoglio et Mailly, tous deux dévorés par le désir de la pourpre. Mailly, qui est pourtant un ami de Saint-Simon, est l'exemple type de l'homme de bien qui succombe au démon du cardinalat, puisqu'il finit par se féliciter de voir ses lettres et mandements brûlés par arrêt du Parlement, et aussi en fit-il éclater sa joie et son mépris un peu sacrilègement. Il fonda une messe à perpétuité dans son église à pareil jour pour remercier Dieu d'avoir trouvé digne de participer aux opprobres de son fils unique pour la justice. Il espérait sans doute engager à quelque violence d'éclat par cette étrange fondation qui le conduirait plutôt à son but. Il y fut trompé. Privé de sa calotte, Mailly offre l'étrange spectacle d'un futur cardinal non nommé qui cache sa calotte dans la poche, qui la tire de temps à autre, la considère avec ravissement, par-ci, par-là, la baisait, puis me disait, les yeux enflammés, qu'il ne la laisserait pas du moins arracher de ses mains. En vérité, je crois qu'il couchait avec elle comme font les enfants avec une poupée qu'on vient de leur donner. Dans les mémoires, les grandes controverses religieuses de l'époque sont le fruit d'un rapport dévoyé au verbe. L'erreur est un écart par rapport à la tradition qui suppose une fixité du dit. Dans le cas du quiétisme, on peut voir que, avant d'être une erreur théologique, c'est d'abord un égarement stylistique. En effet, Madame Guyon introduite à Saint-Cyr, il s'éleva dans Saint-Cyr un petit troupeau tout à part dont les maximes et même le langage de spiritualité parurent fort étrangers à tout le reste de la maison et bientôt fort étranges à Monsieur de Chartres. Fénelon va écrire un livre inintelligible à qui n'est pas théologien ou maître en Israël. Et dans la description de ce livre, Saint-Simon évoque le style confus et embarrassé d'une précision si gênée et si décidée, de la barbarie des termes qui faisait comme une langue étrangère, enfin de l'élévation et de la recherche des pensées qui faisait perdre haleine, comme dans l'air trop subtil de la moyenne région. Hein. Presque personne qui n'était pas théologien ne put l'entendre, et de cela encore après 3 ou 4 lectures. Donc le quiétisme pose effectivement un problème de langage au-delà d'un problème de fond. Cependant, dans la mesure où personne finalement ne comprend les maximes du quiétisme, est-ce vraiment si grave d'être quiétiste? À bien des égards, la Constitution et la bulle Unigenitus sont bien plus dangereuses, car elles font triompher la falsification. Languet, toujours lui, est finalement un de ces malfaisants. En effet, il se trouvera bien peu d'auteurs et encore moins d'évêques aussi hardis à citer faux, à tronquer les passages, à en tirer le contraire précis de ce qu'on y lit, lorsqu'on y joint ce qui précède et ce qui suit, à présenter effrontément des sophismes avec une fécondité surprenante, à en offrir en thèse la proposition réfutée, à supposer des faits et des mensonges clairs avec la dernière audace et à remettre en principe certain le faux dont il a été convaincu. Donc la Constitution, avant d'être la source de violence vis-à-vis des prélats, est d'abord une violence faite au texte saint et auquel le faux est substitué. Alors, ces nouveautés de l'Église qui trahissent le texte sont des paroles égarées, mais ce sont également des paroles égarantes. En effet, Saint-Simon met à plusieurs reprises en scène la réception de ce genre de paroles, notamment face au père Tellier. Rohan, notamment, voit le père Tellier quelques pages avant Saint-Simon, notamment quand il cherche des alliés pour soutenir la bulle. Le père Tellier alla voir et lui exposa tout net ses intentions avec une audace et une autorité qui ne craignaient rien. Et l'argumentation du père, qui est parfaitement captieuse, est retranscrite dans une phrase extrêmement longue, hein, qui fait quasiment une page entière des mémoires, et qui contient pas loin de 35 propositions subordonnées, avec au moins trois niveaux d'enchâssement. Donc une phrase extrêmement compliquée, qui provoque finalement une forme d'embarras à la fois pour le lecteur et qui reflète l'embarras de Rohan, étrangement étourdi. Un certain nombre de symptômes physiques sont marqués, puisqu'il balbutie son trouble, il ne put rien tirer de lui-même que des compliments et tout ce que l'incertitude et l'étonnement peut couvrir sous la plus grande des politesses. Donc sur la on voit donc sur la même matière, on va voir le même effet du père Tellier sur Saint-Simon dans cette entrevue bien connue, puisque d'une certaine manière, en montrant un moi intérieur qui ne devrait pas être montré, le père Tellier rompt le rituel social de figuration et permet à Saint-Simon d'admirer en lui-même ce fond de supercherie, d'adresse, de violence, de renversement de toutes règles et cette incroyable facilité de me le montrer à découvert. C'est une franchise que je n'ai jamais pu comprendre. Et lors du deuxième entretien, Saint-Simon va assister à une épiphanie monstrueuse, puisque je fus saisi tandis qu'il parlait de ce qu'était un jésuite. Et cela lui ôte tout sens, il parle de syncope, et puis il fait cet étrange proposito en lui demandant « Mon père, quel âge avez-vous ?» Si bien que l'horreur ressentie est telle que Saint-Simon est obligé de se reprendre, de finalement retrouver sa face en donnant une fausse explication sur le visage si bon et si sain avec tout le travail que le père Tellier peut avoir. L'explication donnée relève donc d'un rituel d'évitement dont le but est de remettre la conversation dans des termes et des conditions socialement acceptables. Alors on pourrait évidemment parler de Dubois, mais je n'en ai plus le temps. Aussi vais-je passer à la conclusion. En conclusion, donc, dans le grand théâtre social qu'est le monde de Versailles, les ecclésiastiques ne devraient pas figurer au sens goffmanien du terme. Dans le sens où l'idéal chrétien suppose l'anéantissement de soi. Le saint est d'une certaine manière une personne toute unie, où le fond et la face sont identiques. Or, dans les mémoires de Saint-Simon, on nous montre que les ministres du Seigneur sont des acteurs comme les autres. Trahis par leurs paroles, ils en viennent parfois à trahir la bonne parole. Sacrilège qui tient notre mémorialiste entre le rire, sans doute un peu diabolique, et les larmes, attribut des martyrs. Cependant, en exhibant les péchés de langue des prélats, Saint-Simon s'érige en défenseur de la foi, les mémoires devenant la mémoire d'une tradition sur le point d'être détruite dans une inquiétante apocalypse, mais également le stigmate d'une impuissance de l'écrivain à n'être plus qu'un témoin. Ainsi, la verve ne sauvera pas le verbe. Merci.